Carnac, le pirate, chapitre 12. Eugène Sue, combat. Silence. Tout est fait, tout retombe à l'abîme. L'écume des hauts mâts a recouvert la cime. Victor Hugo, Navarin. Eh bien, des boulets où nous sommes coulés comme des chiens, cria Carnoc à maître Durand aussitôt que celui-ci parut sur le pont. Pas un, dit le docteur en grinçant des dents, que 1000 millions de tonnerres enlèvent le brick, et rien, rien pour recevoir l'anglais qui va nous aborder. Tiens, sacrebleu, regarde! Et se disant, Carnoc poussa Durand contre le bastingage qui tombait en morceaux. En effet, quoique la corvette fût horriblement avariée, elle venait vent arrière sur le brick sous un lambeau de sa misaine, tandis que l'épervier, qui avait perdu toutes ses voiles et ne gouvernait plus qu'au moyen de son foc et de sa brigantine, ne pouvait éviter l'abordage que l'anglais voulait tenter, étant bien supérieur en nombre. Pas un boulet, pas un boulet, Saint-Nicolas, Sainte-Barbe et tous les saints du calendrier, si vous ne venez pas à mon aide, cria Carnoc dans un état d'effroyable exaspération, je jure d'aller chamberner et bouleverser vos niches comme je brise ce compas, et que le tonnerre m'écrase s'il reste pierre sur pierre d'une seule de vos chapelles sur toute la côte de Paimpoule. Et le pirate écumant de colère avait mis en pièce une des boussoles qui se trouvait près de lui. Il paraîtrait que tous les saints que Carnoc implorait si brutalement voulurent se conduire en gens canonisés. Des hommes auraient puni le téméraire, des demi-dieux vinrent à son secours, montrant par là combien leur essence éthérée était supérieure à nos intelligences étroites et rancunières. Aussi, à peine Carnoc eut-il terminé sa singulière et effrayante invocation, que frappé d'une idée subite, d'une idée d'en haut peut-être, il s'écria en rugissant de joie. « Les piastres, cordieux mes garçons, les piastres, chargeons-en nos pièces jusqu'à la gueule. Cette mitraille-là vaut bien l'autre. L'anglaise veut de la monnaie, elle en aura, et de toute chaude, qui, en sortant de nos canons, ressemblera plutôt à des lingots de bronze qu'à de bonnes gourdes d'Espagne. Les piastres sur le pont, les piastres !» Cette idée électrisa l'équipage. Maître Durand se précipita dans la soute et l'on roula sur le pont 3 barils d'argent, 150 000 livres environ. Hurrah ! Mort aux Anglais ! Crièrent les 19 pirates qui restèrent en état de combattre, noirs de poudre et de fumée, et nus jusqu'à la ceinture pour manœuvrer plus à l'aise. Et une sorte de joie féroce et délirante les exalta. Les chiens d'anglais ne chanteront pas que nous sommes avares, dit-il, car cette mitraille-là va bien payer le chirurgien qui les pansera. On voit que nous nous battons avec une dame. Sacre Dieu, quelle galanterie, des boulets d'argent. On soigne la corvette, dit un autre. Je ne demanderai qu'une gargousse comme ça de haute paye pour m'amuser à Saint-Paul, reprit un troisième. Et de fait, on jetait l'argent à poignées dans les caronades. On les engorgeait. 50 000 écus y passèrent. À peine toutes les pièces étaient-elles chargées que la corvette se trouvait près du brick, manœuvrant de manière à engager son beau pré dans les haubans de l'épervier. Mais Carnoc, par un mouvement habile, passa au vent de l'anglais, et une fois là, se laissa dériver sur lui. À deux portées de pistolet, la corvette lâcha sa dernière bordée, car elle aussi avait épuisé ses munitions. Elle aussi s'était battue bravement et avait fait des prodiges de courage depuis 2 heures que durait ce combat acharné. Malheureusement, la houle empêcha les Anglais de pointer juste, et toute leur volée passa au-dessus du corsaire, sans lui faire aucun mal. Un matelot du brick fit feu avant l'ordre. « Chien détourdi !» s'écria Carnoc, et le pirate roulait à ses pieds, abattu d'un coup de hache. « Et surtout, s'écria-t-il, ne faites feu que lorsque nous serons bord à bord, qu'au moment où les Anglais iront pour sauter sur notre pont. Nos canons leur crachent au visage, et vous verrez que cela les vexera, soyez-en sûrs. » À cet instant même, les deux navires s'abordèrent. Ce qui restait de l'équipage anglais étaient dans les haubans et sur les bastingages, la hache au poing, le poignard aux dents prêt à s'élancer d'un bond sur le pont du brick. Un grand silence à bord de l'épervier. « Away, Goddam ! Goddam ! Away, Lascar !» cria le capitaine anglais. Beau jeune homme de 25 ans, qui, ayant eu les deux jambes emportées, s'était fait mettre dans un baril de son pour arrêter l'hémorragie et pouvoir commander jusqu'au dernier moment. « Away, Goddam ! » répéta-t-il. « Feu, maintenant, feu sur l'anglais !» hurla Kernock. Alors, tous les anglais s'élancèrent sur le brick. Les 12 caronades de tribord leur vomirent à la face une grêle de piastres, avec un fracas épouvantable. « Hurrah ! » cria l'équipage tout d'une voix. Quand l'épaisse fumée se fut dissipée, et qu'on put juger de l'effet de cette bordée, on ne vit plus aucun anglais, aucun. Tous étaient tombés à la mer ou sur le pont de la corvette. Tous étaient morts ou affreusement mutilés. Au cri du combat avait succédé un silence morne et imposant. Et ces 18 hommes qui survivaient seuls, isolés au milieu de l'océan, entourés de cadavres, ne se regardaient pas sans un certain effroi. Kernock lui-même fixait les yeux avec stupeur sur le tronc informe du capitaine anglais, car la mitraille d'argent lui avait encore emporté un bras. Ses beaux cheveux blonds étaient souillés de sang. Pourtant, le sourire lui restait sur les lèvres. C'est qu'il était mort, sans doute en pensant à elle qui, baignée de larmes, allait revêtir de longs habits de deuil en apprenant sa fin glorieuse. Heureux jeune homme, il avait peut-être aussi sa vieille mère pour le pleurer, lui qu'elle avait bercé tout petit enfant. C'était peut-être un avenir brillant qui avortait, un nom illustre qui s'éteignait en lui. Quel regret il devait laisser, combien on devait le plaindre. Heureux, trois fois heureux, jeune homme, que ne devait-il pas à la couleuvrine de Kernock? D'un boulet, elle en avait fait un héros, pleuré dans les trois royaumes. Quelle belle invention que la poudre à canon! Tel devait être à peu près le résumé des réflexions de Kernock, car il resta calme et riant à la vue de cet horrible spectacle. Ses matelots, au contraire, s'étaient longtemps regardés avec une espèce d'étonnement stupide. Mais ce dernier mouvement passé, le naturel insouciant et brutal reprenant le dessus, tous d'un mouvement spontané crièrent « Hurrah ! Vive l'épervier et le capitaine Kernock !» « Hurrah, mes garçons !» reprit celui-ci. « Eh bien, vous le voyez, l'épervier a le bec dur. Mais il faut maintenant songer à réparer nos avaries. Suivant mon estime, nous devons être du côté des Açores. La brise fraîchit. Allons, enfants, nettoyons le pont. Et quant aux blessés ?»« Quant aux blessés » répéta-t-il d'un air pensif, en frappant machinalement le bastingage avec sa hache d'armes. « Tu les feras porter à bord de la corvette. » « Maître Durand, dit-il brusquement. « Pour ?» demanda celui-ci d'un air interrogatif. « Tu le sauras, » répondit Kernock d'un air sombre, en fronçant ses épais sourcils. Maître Durand fut remplir les ordres du capitaine en murmurant. « Que veut-il en faire ? C'est louche. »« Mousse ici !» cria Kernock à grain de sel, qui essuyait d'un air triste la montre que Maître Zélie lui avait léguée, car elle était toute couverte de sang. Le mousse leva la tête, des larmes roulaient dans ses yeux. Il s'avança près du terrible capitaine sans penser à trembler. Une idée fixe le dominait. C'était le souvenir de la mort de Maître Zélie, auquel il était vraiment bien attaché. « Tu vas descendre à fond de cale et dire à ma femme qu'elle peut venir m'embrasser, entends-tu ? » dit Kernock. « Oui, capitaine, » répondit Grainsel. Et une grosse larme tomba sur la montre. Il disparut aussitôt par le grand panneau pour chercher Mélie. Kernock monta avec agilité dans les hunes, examina le gréement avec la plus scrupuleuse attention. Les avaries étaient nombreuses, mais pas inquiétantes, et avec le secours de mâts et de vergues de rechange, il vit bien qu'il pourrait continuer sa route et regagner le port le plus voisin. Grain de sel remonta sur le pont, mais seul. « Eh bien, dit Kernock, « où est ma femme, Butor ? Capitaine, c'est que... »« C'est que quoi ? Parleras-tu, chien ? » capitaine, elle est dans la cale. Je le sais bien, pourquoi ne monte-t-elle pas, gredin ? Ah, dame, capitaine, c'est qu'elle est morte. Morte, morte, dit Carnoc en pâlissant. Et pour la première fois, sa figure exprima la douleur et l'angoisse. Oui, capitaine, morte derrière une caisse à eau, tuée par un boulet qui est entré au-dessous de la flottaison. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que le corps de madame, votre femme, a bouché juste le trou que le boulet avait fait. Sans cela, l'eau entrait, et le brick était coulé. Madame, votre femme, a sauvé l'épervier, tout de même, et il vaut bien mieux ça pour elle que... Grain de sel, qui avait baissé les yeux au commencement de sa narration, ne pouvant soutenir le regard étincelant de Carnoc, se hasarda à lever la tête. Carnoc n'était plus là. Il s'était précipité dans la cale, et il regardait les yeux secs, les bras croisés, les poings convulsivement serrés. Car suivant le rapport du mousse, la tête et une partie de l'épaule de Mélie, broyée dans le trou du boulet, avaient empêché le projectile d'aller plus loin. Pauvre Mélie! Sa mort même avait été utile à son Carnoc. Le pirate resta seul environ 2 heures, enfermé dans la cale près des restes de Mélie. Là, il usa sa douleur, car lorsqu'il remonta sur le pont, sa figure était impassible et froide. Seulement un peu avant son retour, un cri douloureux s'était fait entendre, et une masse informe avait disparu au milieu des eaux. C'était le cadavre de Mélie. Pendant ce temps, maître Durand avait fait porter les blessés sur la corvette anglaise. « Mais pourquoi ne nous laisse-t-on pas à bord du brick ? » demandait-il avec instance au bon docteur. « Mes enfants, je n'en sais rien, c'est peut-être parce que l'air est meilleur ici, et dans les blessures graves, il faut changer d'air, c'est connu. Mais, maître Durand, voilà qu'on emporte pour le brick toutes les vergues et les mâts de rechange de la corvette. Comment allons-nous donc naviguer ? Peut-être par la vapeur, répondit monsieur Durand, qui ne pouvait résister au plaisir de faire une plaisanterie. « Tiens, vous vous en allez, maître Durand, et vous aussi, camarade ?» Eh bien, et nous, maître Durand, maître Durand. Ainsi disaient les blessés, assez forts pour crier, mais non pour marcher, en voyant le chirurgien canonnier charpentier descendre dans son canot et regagner le brick avec son équipage. Oui, le plus souvent que c'est pour nous faire changer d'air qu'on nous envoie ici, dit un Parisien qui avait un bras de moins et un Biscayen dans la colonne vertébrale. Eh bien, pourquoi nous y envoie-t-on ? Parisiens demandèrent plusieurs voix avec inquiétude. « Pourquoi, dans le but de nous faire crever, pendant qu'ils profiteront de nos parts de prise ? Comme c'est malin. Seulement, s'ils avaient eu pour 2 liards de cœur, ils auraient fait une trouée dans la cale pour nous couler, au lieu de laisser ici 2 bons enfants s'entre-dévorer comme des requins. Ça sera dans le genre du Colin que j'ai vu au Mont-Tabor chez M. Franconi. Ici, sa voix commence à s'affaiblir. » Car je viens de leur entendre dire qu'il ne restait pas de vivres à bord de la corvette et que c'est en partie pour s'en procurer qu'elle nous avait donné de la chasse. C'est vexant tout de même de mourir quand on est riche, car avec ma part de prise, je m'en serais joliment donné à Paris. Dieu, la chaumière, le voile, l'ambigu et les demoiselles. Ah oui, c'est vexant, car maintenant le temps de nouer une garcette et je serai cuit. Je ne sens déjà plus mes jambes, et puis on dirait que mon cœur se retourne. « Adieu les autres. C'est pour vous que ça va être sciant, car vous n'êtes pas tendres, mes agneaux. Vous serez joliment coriaces, et pour vous avaler, il faudra une fameuse sauce. » Sa langue devint alors tellement embarrassée qu'il fut impossible d'entendre un mot. 5 minutes après, il était mort. Le Parisien avait deviné juste. Il est impossible de rendre les imprécations et les malédictions dont Carnoc et le reste de l'équipage furent accablés. Un blessé anglais qui comprenait le français fit part à ses compatriotes de la destinée qui les attendait. La rumeur augmenta. Chacun jurait et blasphémait dans sa langue. C'était un bruit à réveiller un chanoine. Mais tous ces malheureux étaient trop grièvement blessés pour pouvoir se lever, et d'ailleurs pas d'embarcation. Il y en eut plusieurs qui se roulèrent près de la coupée des bastingages, et se laissèrent tomber à la mer, prévoyant toute l'horreur du sort qui était réservé à leurs compagnons. « C'est fait, » dit maître Durand à Carnoc, dès qu'il fut de retour. « Nous sommes parés, » répondit Carnoc. La brise fraîchit du sud, avec cette misaine pour grand voile et les perroquets au lieu de huniers, nous pouvons faire route, oriente grand largue, et met le cap au nord-nord-est. Ainsi, dit maître Durand, en montrant la corvette qui se balançait désemparée, ces pauvres diables, nous les laissons là. Oui, répondit Carnoc, c'est tout de même un procédé peu délicat. Ah, vrai, sais-tu ce qui nous reste de vivre à bord, grâce à la fête que je vous ai donnée, sauvage? Non. Eh bien, il nous reste un baril de biscuits, 3 tonnes d'eau et une caisse de rhum, car vous avez gaspillé en un jour les vivres de 3 mois. C'est autant de notre faute que de la leur. Je m'en moque. Nous avons encore peut-être 800 lieues à faire et 18 matelots à nourrir. Or, ceux-là doivent passer avant tout, car ils sont en état de manœuvrer. Ceux que vous laissez sur la corvette vont crever comme des chiens ou se manger les uns aux autres, car demain, après-demain, ils auront faim. Je m'en moque. Qu'ils crèvent. Il vaut mieux que ce soit ceux qui sont à moitié morts que nous autres, qui ont encore du câble à filer. Les matelots du brick entendaient cette conversation. Ils commencèrent à murmurer. Nous ne voulons pas abandonner nos camarades, dirent-ils. Carnoc promena sur eux son coup d'œil d'aigle, mit sa hache d'armes sous son bras, croisa ses mains derrière son dos et dit d'une voix impérieuse. Hein, vous ne voulez pas. On fit silence, profond silence. Je vous trouve encore de singuliers animaux, s'écria-t-il. Sachez donc, canailles, que nous sommes à 800 lieues de toute terre, qu'il faut compter sur au moins 15 jours de traversée, et que si nous gardons les blessés à bord, ils soifferont toute notre eau, et ne nous serviront pas plus qu'un aviron à 1 3-pont. « C'est vrai, interrompit le canonnier chirurgien charpentier, rien ne boit comme un blessé. C'est comme l'ivrogne, c'est desséchant. Et quand nous serons sans eau et sans biscuits, est-ce Saint Carnoc qui vous en enverra? Nous serons obligés de manger notre chair et de boire notre sang. Comme ils vont faire, du reste. Belle chienne de nourriture. Ça vous tente, n'est-ce pas, tas de Lascar que vous êtes? Au lieu qu'en tâchant de rallier Bayonne ou Bordeaux, nous pouvons revoir la France et y vivre en bon bourgeois avec notre part de prise, qui ne sera pas mince, puisqu'elle sera augmentée de la leur, ajouta Carnoc en désignant les blessés de la corvette. Cet argument calma victorieusement les derniers scrupules des récalcitrants. Enfin, dit Carnoc, ce sera comme ça, parce que je le veux. Est-ce clair, hein? Et le premier qui ouvre la bouche, je la lui fermerai, moi, avec la coquille de mon poignard. Alors, cordieux, courons grand largue, une bordée au nord. Les 18 hommes qui composaient alors l'équipage obéirent en silence, jetèrent un dernier regard sur leurs compagnons, leurs frères, qui poussaient des cris affreux en voyant le brick s'éloigner. Puis, comme la brise fraîchit beaucoup, l'épervier fut bientôt loin du lieu du combat. Mais le lendemain, une horrible tempête s'éleva. D'énormes montagnes d'eau semblait à chaque minute devoir submerger le brick, qui, ayant mis à la cape, fuyait devant le temps sous sa pouillousse. Enfin, après une traversée pénible, l'épervier atteignit Nantes. Il relâcha pour réparer ses avaries, et, suivant les vœux de Carnoc, reprit la mer pour venir mouiller encore une fois dans la baie de Paimpoule. Là, une commission d'enquête fut fourrée pour vérifier la légalité de la prise. Alors Carnoc jura tous ses jurons qu'il irait désormais débarquer à Saint-Thomas, puisque ces cormorans d'administrateurs venaient pêcher dans ses eaux. Ce furent ses propres expressions.